Il est nommé Questeur. Son origine. Étant Questeur, il fit à la tribune, aux harangues et selon l'usage reçu, l'éloge de sa tante Julie et de sa femme Cornélie, qui venait de mourir. Dans le premier, il établit ainsi la double origine de sa tante et celle de son propre père. Par sa mère, ma tante Julie est issue des rois. Par son père, elle se rattache aux dieux immortels. En effet, d'Ancus Martius descendaient les Martius Rex, dont le nom fut celui de sa mère. De Vénus descendent les Jules, dont la race est la nôtre. On voit donc unis dans notre famille et la majesté des rois, qui sont les maîtres des hommes, et la sainteté des dieux, qui sont les maîtres des rois. Pour remplacer Cornélie, il épousa Pompeia, fille de Q. Pompée, et la petite fille de L. Sylla. Mais dans la suite, il divorça d'avec elle, sur le soupçon d'un commerce adultère avec Publius Claudius, si publiquement accusé de s'être introduit chez elle sous un costume de femme, pendant une fête religieuse, que le Sénat dut ordonner une enquête pour sacrilège.